À l'occasion de la Journée du Soleil et du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, divers mass médias d'Internet russes ont présenté les numéros spéciaux. Le homepage d'Internet irkutskblogspot.ru a fait une rédaction spéciale avec le portrait en sourire du président Kim Il-sung. Le homepage d'Internet Patrioti Moscovin a inséré un article spécial avec les photos du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. L'agence de presse d'Internet EuropeIDV et le homepage d'Internet Amuru Press ont présenté respectivement les écrits titrés « Kim Il-sung, grand homme du siècle » et « La capacité de se renforcer soi-même de la Corée ». Par ailleurs, à l'occasion de la Journée du Soleil, le Centre d'études des arts Jujutsu du Brésil a fait une rédaction spéciale avec la photo et le tableau de peinture représentant Kim Il-sung dans son homepage d'Internet. Le Comité national nigérien d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, la Bibliothèque Kim Jong-il de l'Équateur, le président du Comité arabe pour la solidarité avec le peuple coréen et le soutien à la réunification de la Corée, et Jorge Luis Ubertali, écrivain argentin, ont présenté les écrits dans leur homepage d'Internet pour exalter vivement les exploits immortels du président accomplis dans la révolution coréenne et la cause d'émancipation de l'humanité par sa direction clairvoyante.